Ah, il parlait des couilles là-haut, ça. Il faut pas laisser. Tu cherches quoi quand j'ai. Quoi ? Je cherche midi, il est pas là. Ah, tranquille, tranquille, je le connais, c'est ça. Alors ? Ça va ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Ça va, ça va. Il est pas là midi ? Ah non, il est loin le musée. Ah ouais ? Et ouais, il est loin. Mm-hmm. Ah, on va dire la prochaine fois. Amigo, tu capes à quand tu vis à Miami. C'est énorme chez moi. J'écris toujours moi. Je te dis alors.